Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons ensemble continuer notre étude. Nous sommes au chapitre 2 et nous sommes au verset 18 de l'Évangile de Marc. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, tu es un Dieu qui ne pense pas comme les hommes. Tu dis une place dans ta parole que les pensées des êtres humains sont aussi loin des tiennes que les étoiles sont éloignées de la terre. L'homme ne pense pas comme son créateur, parce que l'homme est pécheur. Et nous te remercions, Seigneur, que tu es venu à travers les hommes pour nous parler, à travers des Moïse, des Abraham, à travers des Élie, des Isaïe, à travers surtout de Jésus, qui nous a instruits de ta parole. Tu nous as dit dans les jours passés que tu es venu enseigner les paroles de Dieu, que tu es venu annoncer l'évangile de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu. Donc ce que tu nous dis, ça vient de Dieu, afin qu'on pense comme toi, qu'on voit la vie comme toi, qu'on voit le monde comme toi, qu'on voit le plan du monde, l'histoire du monde comme toi. Instruis-nous. C'est notre désir profond, encore une fois ce matin. Amen. Nous avons vu, dans le chapitre 2, le pouvoir spécial de Jésus de pardonner les péchés. Et nous avons vu aussi que Jésus était un médecin spécial, mais qui guérissait spirituellement les gens. Ceux qui étaient des pécheurs et les guérit du fait qu'ils sont pécheurs. Donc, il est un pécheur spirituel qui va exercer son pouvoir, son talent de médecin sur les pécheurs. Et non pas sur ceux qui se considèrent justes ou qui n'ont pas besoin de médecin. Ce matin, nous allons voir une autre vérité. La tendance de tous les mouvements religieux, c'est d'ajouter des choses à ce que Dieu a dit, ou d'enlever des fois, mais on a tendance à ajouter. Et dans nos expériences humaines, si on veut avoir quelque chose de quelqu'un, on a tendance à faire quelque chose pour avoir de l'autre ce que nous voulons avoir. Qu'est-ce que la jeune fille est prête à faire pour qu'un garçon lui demande de sortir avec? Ou qu'est-ce qu'un garçon est prêt à faire pour que la jeune fille accepte sa demande de sortir avec lui? Qu'est-ce que les parents sont prêts à faire pour que les enfants puissent obéir? Ou qu'est-ce que les enfants sont prêts à faire pour avoir de leurs parents ce qu'ils voudraient avoir? Qu'est-ce que les politiciens vont faire pour avoir le vote qu'ils veulent de la société? Hein? Toutes sortes de choses. Et quand on arrive dans les mouvements religieux, encore une fois, on voudrait des choses de Dieu. Et on a tendance à vouloir faire quelque chose, donner quelque chose, pour que Dieu réponde à la demande de l'adepte de la religion, peu importe laquelle. C'est pour ça que nous voyons des gens offrir toutes sortes de choses, donner toutes sortes de choses à des hommes religieux, à des mouvements religieux, afin d'obtenir quelque chose de Dieu. Nous voyons les gens se priver des fois de quelque chose pour pouvoir obtenir quelque chose de Dieu. On va voir même des gens qui vont se faire souffrir pour obtenir de leur Dieu ce qu'ils voudraient avoir. C'est pour ça que tous les mouvements religieux vont faire de quoi pendant leur vivant afin de pouvoir être acceptés de Dieu quand ils vont mourir, pour que Dieu les accepte dans leur royaume. dans son royaume, excusez. Donc, avec ce principe-là, avec cette façon que nous avons été élevés, avec cette pensée qui est omniprésente dans la société, il faut faire attention, nous, en tant que chrétiens, que quand on va dans la présence de Dieu, qu'on n'approche pas Dieu de cette façon-là. Donc, avant de lire le verset 18 à 22, il faut se rappeler que Jésus a démontré que le pouvoir de pardonner les péchés, il a démontré aussi qu'il est le grand médecin qui guérit le malade. Donc, en m'approchant de Dieu, je ne dois pas oublier que j'ai été pardonné de mes péchés. Il ne faut pas que j'oublie, quand je me présente devant Dieu, que j'ai été guéri par la puissance de Dieu. Donc, je ne suis plus quelqu'un qui va aller faire de quoi ou donner de quoi pour être guéri. Je ne vais pas aller faire de quoi ou faire pénitence ou faire des actes de contrition ou de prière pour être pardonné. Je m'approche de Dieu en tant que croyant, sachant que j'ai été pardonné, sachant que j'ai été guéri par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, sans rien donner, sans rien offrir. Si j'ai rien donné pour devenir chrétien, si j'ai rien offert pour être pardonné, je devrais pas penser que maintenant, étant chrétien, que je dois faire de quoi pour être exaucé dans mes prières. Vous allez voir pourquoi je parle de ça ce matin. Nous allons lire verset 18 du chapitre 2. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient et vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? » Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront à ce jour-là. Personne ne coud une pièce de drap neuf à un vieil habit. Autrement, la pièce du drap neuf emporterait une partie du vieux, et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Donc, si on se met dans la situation, les disciples de Jean, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui était devenu disciple de Jean. Je crois que probablement à ce moment-là, Jean est décédé. C'est ce que je pense. Ce que nous sommes rendus dans l'histoire, je crois qu'il est décédé. Malgré qu'on va parler du décès de Jean dans le chapitre 6 demain, je crois qu'il est mort à ce moment ici, mais on va rapporter sa mort dans le chapitre 6. Donc, je crois qu'il est mort. S'il n'est pas mort, il y a des disciples de Jean qui n'ont pas encore compris qui devraient plus être disciples de Jean, mais qui devraient être disciples maintenant de Jésus. Mais ils ne sont pas devenus encore disciples de Jésus. Pour quelle raison? Le texte ne nous en parle pas. Même des décennies après la mort de Jésus, après l'ascension de Jésus, après la Pentecôte qui a commencé l'Église, on retrouve bien longtemps après encore des disciples de Jean, dans le chapitre 19 des Actes. Donc, il y en a qui sont restés disciples de Jean longtemps, parce qu'ils n'ont pas compris que Jésus était celui que Jean annonçait. Donc, les disciples de Jean et les pharisiens jeûnent. Donc, ils pratiquent le jeûne. Ils se privent d'aliments et de boissons, des fois, du côté religieux, pour le côté religieux, pour plaire à Dieu, pour faire ce que Dieu, selon eux, demandait. Une histoire dans la Bible nous dit qu'un pharisien dit, je prie et je jeûne, excusez, je jeûne deux fois par semaine. Donc, on jeûnait. Jésus en parle dans Matthieu 6. Quand tu jeûnes, ne mets pas de farine dans ta figure. Ne te blanche pas la figure pour montrer à tout le monde que tu jeûnes. Donc, c'était une coutume très pratiquée parmi les Juifs et les disciples de Jean. On croyait qu'en jeûnant, on s'approchait plus de Dieu. Donc, il vint dire à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Sous-entendu, je crois, « Pourquoi tu ne jeûnes pas toi, Jésus ?» Parce que si les disciples de Jésus ne jeûnent pas, je crois personnellement que Jésus ne jeûnait pas non plus. Pourquoi est-ce que vous ne jeûnez pas? Pourquoi est-ce que vous rejetez la tradition? Pourquoi vous rejetez l'enseignement des disciples de Jean ou de Jean et des pharisiens? Pourquoi vous ne jeûnez pas? Et là, Jésus, comme c'est à la coutume, il va saisir l'occasion et il va les enseigner. Il va prendre quelque chose de très quotidien, quelque chose de très culturel, et il va leur faire comprendre une vérité. Il dit, quand vous allez aux noces, est-ce que vous allez aux noces, puis vous allez jeûner pendant les noces, pendant le repas des noces, pendant le banquet des noces? Est-ce que vous allez arriver là et vous dire, « Ah, je viens, mais moi, je ne pourrais pas manger, je jeûne présentement. » Vous allez dire, « Ben non. » Quand tu t'en vas aux noces, tu t'en vas pour faire la fête avec les mariés, pour te réjouir avec eux. Il dit, « Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Ce serait très mal élevé de jeûner. » N'est-ce pas? Verset 20, les jours viendront où l'époux, l'heure sera enlevée. Alors, ils jeûneront à ce jour-là. L'heure aussi, l'époux, l'heure sera enlevée. Il parle des disciples parce qu'il dit, pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Il dit, il y aura un moment donné où est-ce qu'ils vont jeûner. C'est le moment où est-ce que l'époux leur sera enlevé. À ce moment-là, ils vont jeûner. Donc, Jésus dit, tant aussi longtemps que l'époux est avec les convives, c'est pas le temps de jeûner. Il y aura un moment où ce que l'époux, ici dans l'histoire, on est obligé de conclure que c'est Jésus, l'époux va leur être enlevé, et à ce moment-là, ils jeûneront. Il dit, vous comprenez pas que je suis en train de faire quelque chose de nouveau. C'est le verset 21 veut dire. Mélangeons pas la loi avec la grâce. Ne mélangeons pas l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament. Moi, je suis venu amener quelque chose de nouveau. Mettez pas du vieux avec du neuf. C'est le principe ici, hein? Ne mettez pas une pièce de drap neuf avec du vieux. Parce que la pièce de drap neuf, elle, quand elle va avoir cousu cela après le vieux, la vieille pièce de linge, la pièce de drap neuf va rétrécir, elle va réagir, et en rétrécissant, elle va déchirer le vieil habit. Donc, si vous voulez réparer une vieille habit, prenez une vieille pièce de tissu pour la réparer. Et là, ça va être correct. Si vous réparez un habit neuf, mettez une pièce de drap neuf après. Et si vous avez du vin nouveau, mettez-les pas dans des vieilles outres. Dans les vieilles outres, mettez du vieux vin. Dans les outres nouvelles, mettez du vin nouveau. Mélangez pas les deux. C'est pas le temps de jeûner. C'est le temps de se réjouir. Je suis arrivé. Jean-Baptiste est arrivé. Le Messie est arrivé. Le royaume est arrivé, le royaume est proche, c'est le temps de se réjouir. C'est le temps de faire la fête. C'est le temps de faire la fête. Pourquoi est-ce que vous jeûnez présentement? Vous devriez être en train de sauter sur les toits, de sauter dans les rues, vous devriez être en train de chanter. Alléluia, le Messie est arrivé, le royaume de Dieu est arrivé. C'est ça que vous devriez faire. Vous voyez les miracles par milliers. Vous voyez que je vous dis que je peux pardonner les péchés, que je peux guérir les pécheurs. Vous devriez être en train de vous réjouir, de faire la fête. C'est pas le temps de jeûner. C'est pas le temps de jeûner. Maintenant pour nous. Est-ce que c'est de mise encore aujourd'hui pour les chrétiens de jeûner? Est-ce que c'est le temps de jeûner? Est-ce que c'est le temps? Parce que le jeûne, le vrai jeûne de l'Ancien Testament, c'est un jeûne parce qu'on était triste de nos péchés. Si c'est ça, on ne devrait plus jeûner jamais parce qu'on a été pardonné. Tous nos péchés sont pardonnés. Nous avons été guéris par le grand médecin. Donc, je ne pourrais pas jeûner et d'être triste sur mon péché parce qu'il a été pardonné mon péché. J'ai été guéri de mon péché. Donc, je devrais me réjouir de cela. Je ne devais pas jeûner parce que Jésus est parti, il a été enlevé. Non, il est revenu. Le Consolateur est en moi, l'Esprit de Dieu est en moi. Jésus a dit, je vais faire ma maison. Moi et le Père, nous allons habiter en vous. Jésus n'est pas parti. Oh, il est parti au moment où ce qui a été enlevé. Mais il dit, je reviens. Chapitre 14, 15, 16 de Jean. Je reviens, je vais habiter en vous. Lorsque je suis, je vais vous prendre avec moi. Sommes-nous pas, nous, maintenant, dans la présence de Dieu? En esprit et en vérité? Pourquoi est-ce que je chialerais aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je me lamenterais aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je jeûnerais? Si les disciples avaient raison de se réjouir pendant que Jésus était avec eux, je vous dis, nous avons encore plus de raisons de se réjouir aujourd'hui, nous. Jésus a dit à ses disciples, il vous est avantageux que je parte et que le Saint-Esprit vienne. Nous avons encore plus de raisons de se réjouir que les disciples. C'est plus le temps pour nous de faire la fête encore aujourd'hui que c'était le temps dans leur temps de se réjouir aussi. Les chrétiens sont plus privilégiés maintenant que dans le temps des disciples. Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu est en nous. Nous avons été régénérés. Nous avons la vie éternelle. Nous avons la certitude du pardon de nos péchés. Nous avons la certitude qu'il revient nous chercher pour nous emmener dans les nouveaux cieux, nouvelles terres avec lui. Quelle raison avons-nous de jeûner? Aucune. Aucune. Nous ne devrions pas être de ceux qui pensons qu'avec du jeûne, on va faire plier Dieu qui va nous répondre à nos requêtes plus. Nous ne sommes pas de ceux qui pensons que le jeûne va permettre d'avoir un meilleur exaucement à nos prières. Ça, c'est de penser comme des païens. Le jeûne, selon ma compréhension, c'est passé date. C'est passé date. Nous ne sommes pas tristes, les chrétiens. Nous sommes dans la joie. Nous sommes des gens pardonnés. Nous sommes des gens régénérés. Nous sommes des gens qui avons un espoir grand, merveilleux. Nous avons la certitude que Dieu règne sur nos vies, qu'il prend soin de nous, qu'il est en train d'emmener l'établissement du royaume d'une façon parfaite à son retour. Nous avons toutes les raisons d'être dans la joie de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus, nous te prions. Ô Seigneur, apprends-nous à fonctionner sous la grâce. Apprends-nous à comprendre que nous sommes complètement acceptés devant toi. Que nous n'avons rien à faire pour que tu puisses nous répondre. Car nous sommes des gens pardonnés. Nous sommes des gens régénérés. Nous faisons partie de ta famille. Nous sommes tes enfants. Et tu nous aimes en Jésus-Christ. Le jeûne, c'était pour les choses anciennes. Nous, nous sommes dans les choses nouvelles, dans la nouvelle alliance. Garde-nous de croire que nous pouvons te faire fléchir par nos actions. Tu es un Dieu de grâce, un Dieu d'amour. Au nom de Jésus.